بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في تفسير سورة الغاشية On commence aujourd'hui l'exégèse de سورة الغاشية وهي سورة مكية C'est une sourate qui a été révélée durant la période mécoise. وقد تقدم أن أكثر الصور في هذا الجزء مكية. Et on a déjà vu précédemment que la majorité des sourates qui sont dans cette partie du Coran sont des sourates qui ont été révélées durant la période mécoise. وهذا مما يدلنا على أهميتها لتعلقها بأصول الدين. Et cela, cet élément fait partie des éléments qui nous montrent l'importance de toutes ces sourates qui sont liées au fondement de la religion. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة والعيدين بسورة الأعلى في الركعة الأولى والغاشية في الثانية. Et on a déjà vu donc précédemment que le prophète صلى الله عليه وسلم il priait Al-Idayn, ainsi que Al-Jumu'a, la prière du vendredi, avec Surat Al-A'la, durant la première unité, et Surat Al-Ghashiyah, pour la deuxième unité de prière. وَهَذَا كَذَلِكَ يَدُلُّنَا عَلَى أَهَمِيَّةِ هَذِهِ السُّورَةِ لِكَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقْرَأُهَا فِي هَذِهِ الْإِجْتِمَاعَاتِ وَفِي هَذِهِ الْمُنَاسَبَاتِ Et cet élément aussi fait partie des éléments qui nous montrent l'importance de cette sourate. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la récitait lors de ce genre de rassemblement et aussi donc pour les événements importants. Allah Ta'ala, donc il nous dit dans cette sourate, il nous dit « Hal ataka hadithul ghashiyah » T'est-il parvenu le récit de « El Ghashiyah » qu'on va expliquer plus tard, Inch'Allah. وجوه يومئذ خاشعة. À ce jour-là, des visages seront humiliés. عاملاتٌ ناصبة. Préoccupés. عاملاتٌ préoccupés. À œuvrer. ناصبة. Harassés. Harassés, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont atteindre un niveau très élevé de fatigue. Tasla naran hamia, qui brûleront dans un feu ardent. فالله تعالى يبين لنا في هذه السورة أحوالا من أحوال يوم القيامة. Allah Ta'ala, dans cette sourate, il nous montre des situations parmi les situations du jour de la résurrection, يوم القيامة. Il nous dit donc, هل أتاك حديث الغاشية? T'est-il parvenu le récit de Al-Rashiya. Fasamma tabaraka wa ta'ala fasamma yawm al-qiyama Al-Rashiya. Li'annaha tarsha an-nasa kullahum bishada'idiha fayujazawna 'ala a'malihim. Et donc Allah Ta'ala, il a appelé le jour de la résurrection, il l'a appelé Al-Rashiya. Car celle-ci, ce jour-là, va couvrir toutes les créatures de ces difficultés, de ces moments durs, tous seront concernés par ce moment. Al-Rashiya, donc celle qui couvre et qui englobe toutes choses. Et donc tous seront donc concernés par ces difficultés terribles qu'il y a durant ce jour et seront jugés en fonction de leurs actions. فَهَلَ الْيَوْمْ يَوْمٌ عَظِيمٌ لِذَا يَكْفُرُ تَعَالَى مِنْ وَصْفِهِ فِي كِتَابِهِ لِيَتَأَمَّلَ فِيهِ النَّاسِ وَيَسْتَعِدُّوا لَهُ Et donc ce jour est un jour terrible. Le jour de la résurrection est un jour terrible. Et c'est pour cela que Allah Ta'ala, il le cite beaucoup et le décrit beaucoup dans son livre, afin que les gens puissent y méditer et se préparer pour ce jour terrible. أَيُّهَا النَّاسِ Ta'ammalu fi ahwalina. Ô gens, méditez. Ose, ô homme, méditez sur nos situations. Nos situations à nous. Méditez. Que chacun médite sur sa propre personne. Kefirun minan nas fil madaris ou fil amal. Idha ja'a waqtu l'ikhtibarat, ijtahadu wasta'addu lil-ikhtibar. Isti'adadan shadidan. Ila daraja. Anna ba'da nas yatanawaloun. يتناولون المخدرات المانعة من النوم حتى يتمكنوا من المراجعة الطويلة. Beaucoup de personnes dans les écoles, au travail, lorsque vient le jour de l'examen, tu les vois qu'ils font beaucoup d'efforts. Et donc, lorsque vient le jour de l'examen, ils s'efforcent, ils font beaucoup d'efforts et se préparent pour ses examens. Il se prépare de la meilleure des façons, à tel point que certains vont même tomber dans l'illicite. Ils vont prendre des drogues qui les empêchent de dormir afin de réviser encore plus. Afin de pouvoir réviser longtemps, ils vont prendre des drogues qui les empêchent de dormir. Et donc ils se préparent pour cet examen. Unzuru ayyuha al-ikhwa wal-akhawat. ربنا وخالقنا يخبرنا بهذا اليوم وما فيه من شدائد لنستعد له. Regardez, méditez, ô mes frères et sœurs. Notre Seigneur, notre Créateur, nous informe de ce jour terrible et des difficultés que contient ce jour terrible, afin que nous puissions nous préparer pour cet événement. ويكثر ربنا من ذكر أوصافه ومع ذلك قلوبنا قاسية. Et notre Seigneur va beaucoup citer les descriptions de ce jour terrible dans le Coran. Mais malgré cela, nos cœurs restent durs. Nos cœurs restent durs. La najtahidu li hadhihi al-ikhtibarat. La najtahidu li hadha al-ikhtibar al-azim. Kajtihadina lil-ikhtibarat al-muta'alliqa bil-umur al-dunyawiyya. Le problème, c'est qu'on ne s'efforce pas, nous ne faisons pas les efforts pour cet examen terrible. L'examen du jour de la résurrection, nous ne faisons pas des efforts de la même façon que nous faisons des efforts pour les examens liés à ce bas monde. Tu sais que tu as un examen pour un diplôme, pour obtenir un travail, mashallah, tu te prépares. Taïb, qu'est-ce qu'on fait pour Yawm al-Qiyamah? Qu'est-ce qu'on fait pour le jour de la résurrection? Est-ce que réellement on se prépare, ô mes frères, pour cet examen? Allah Ta'ala qui nous dit « Hal ataka hadithul rashiya » T'a-t-il parvenu le récit de « Al rashiya » Wassu'al huna li ta'zim il hadithi an yawm al-qiyamah. Et la question ici, la question qu'il y a dans ce verset, est pour valoriser, donner de l'importance au récit concernant le jour de la résurrection. Ce n'est pas comme n'importe quel discours. وَهَذَا مَوْجُودٌ حَتَّى فِي اللُّغَةِ الْفْرَنْسِيَةِ. Et cette méthode, le fait d'utiliser la question, une interrogation, pour valoriser quelque chose, cela est même présent dans la langue française. فَرَجُلَانِ مَثَلًا يَرَيَانِ إِنْكِسَافَ الْقَمَرِ. فيقول احدهما للاخر ارايت هذا مع انه يعرف ان صاحبه راه لكنه يريده او يقوله من باب التعظيم بما راى. Deux personnes, deux individus par exemple, ils voient une éclipse lunaire. Tous les deux la voient. Ils sont l'un à côté de l'autre. Alors l'un, il va dire à son compagnon, « As-tu vu ça? As-tu vu ça ?» Alors qu'il est persuadé que son compagnon l'a vu. Il sait que son compagnon l'a vu. Mais ce n'est pas une question pour savoir, « Est-ce que tu l'as vu ?» Oui, il l'a vu. Mais c'est pour montrer que c'est quelque chose de grandiose. Quelque chose qui est valorisé, quelque chose qui est important. Et donc, la question ici Ce n'est pas une question pour interroger sur quelque chose qu'on ne sait pas, mais c'est pour valoriser le sujet qu'on va aborder. وقال علماء آخرون السؤال هنا للتشويق. Et certains autres savants, ils disent, la question ici, c'est pour attirer l'attention. C'est pour attirer l'attention de celui qui va lire ce verset. هل أتاك حديث الغاشية. T'est-il parvenu le récit de الغاشية? Pour attirer son attention, pour qu'il donne de l'importance à ce sujet. Comme dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il dit « Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. » Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, puis-je vous montrer un commerce qui va vous sauver d'un châtiment douloureux? D'un châtiment douloureux. Ici, cette question, elle est posée pour que celui qui lit ce passage, il se concentre sur la suite. Quel est ce commerce? Quel est ce commerce qui va nous préserver du feu de l'enfer? فَأَنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ السُّؤَلَ هُنَا لَا يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَعْلَمُ مَا سَأَلَ عَنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ. Et donc, vous voyez qu'ici, l'interrogation ne signifie pas que Allah ne sait pas, ne connaît pas le sujet dont il a interrogé, le sujet dont il a posé cette question. Car Allah Ta'ala, il connaît toutes choses. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Rien ne peut lui être caché à Allah, sur terre ou dans les cieux. Il connaît toutes choses. ومن هنا ننطلق إلى مسألة أخرى أخطأ فيها كثير ممن يتصدى للرد على النصارى وبيان انحرافاتهم. Si on a bien compris ce passage, si on a bien compris ce que j'ai cité précédemment, on aborde maintenant une autre étape. Une autre étape. Qui est une erreur dans laquelle sont tombés beaucoup de ceux qui se mettent en avant pour répliquer aux chrétiens et pour montrer leurs égarements. Beaucoup de personnes parmi les musulmans qui vont répliquer aux chrétiens et chercher à montrer leurs égarements vont se tromper dans ce sujet. Fa'aqul al-muslimu إذا أراد أن يرد على الملل الباطلة وأصحابها ينبغي له أن يرد بحق. Alors je dis le musulman lorsqu'il veut répliquer aux religions, aux fausses religions ainsi qu'à leurs adeptes, il convient qu'il réplique avec vérité. فأهل الإسلام لا يظلمون الناس ولو كانوا على باطل. Et donc les gens, les adeptes de l'islam, ne font pas injustice aux gens, même si ceux-ci sont dans le faux. Ils ne font pas injustice aux juifs, ni aux chrétiens, ni aux autres, même s'ils sont dans le faux. On ne fait injustice à personne. وأنتم تعرفون الحديث القدسي في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. Et vous connaissez le hadith Qudsi dans Sahih Muslim, dans lequel Allah Ta'ala il dit: Oh mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et Et certes, j'ai fait que l'injustice soit illicite parmi vous. Alors ne vous faites pas injustice. Il est donc interdit de se faire injustice. وَالْمُسْلِمُ إِذَا رَدَّ عَلَى أَهْلِ الْبَاطِلِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلِ. Et le musulman, lorsqu'il réplique aux gens du faux, il est obligatoire qu'il soit juste. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa idha kultum fa'dilu. Alors lorsque vous dites, lorsque vous parlez, soyez juste. Soyez juste. Idhan hadha al-khata alladhi uridu an ukhbirakum bihi هو أن كثيرا ممن يرد على النصارى يذكرون طريقة النصارى فيما يتعلق بصفات الله تعالى. Et donc, cette erreur dont je veux vous faire part est que beaucoup de personnes qui vont répliquer aux chrétiens vont citer la méthodologie des chrétiens concernant les attributs d'Allah. ولا شك ان النصارى لهم انحرافات شديده في هذا الباب. Et il n'y a nul doute que les chrétiens ont beaucoup d'égarements concernant ce sujet, les attributs d'Allah Ta'ala. Ils ont beaucoup d'égarements. ولكن الاشكال ان بعض الناس يرون بعض القصص المذكوره في التوراة وفيها أن الإله يسأل عبدا له عن شيء فيقولون انظروا انظروا النصارى انظروا إلى النصارى وصفوا الله بالجهل. Cependant, le problème est que certaines personnes, lorsqu'ils vont voir certaines histoires qui sont citées dans la Torah, des histoires qui montrent que la divinité interroge un de ses serviteurs sur quelque chose, alors ces gens-là vont dire, regardez, les chrétiens ont décrit Allah comme étant ignorant. Ils ont décrit Allah comme étant ignorant. Kama huwa madhkur fi sifri at-takwin. Et donc comme cela est présent donc dans la Genèse, dans la Torah, donc la Genèse. Je vais vous le lire en français. Inch'Allah ta'ala. Le chapitre 3. Verset 8 de la Genèse. Il est dit: alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Là, on parle de Adam et Hawa. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Et donc, à ce moment-là, certains musulmans, lorsqu'ils vont vouloir répliquer aux chrétiens, ils vont lire ce passage, et ils vont dire, regardez, ici, les chrétiens ont caractérisé Allah par l'ignorance. Allah ne sait pas. Il demande à Adam, où es-tu ? Parce que Adam s'est caché. Il demande à Adam, qui t'a dit que tu étais nu ? Et donc, les chrétiens nous font croire, nous montrent que Allah Ta'ala est ignorant. Ne sait pas tout ce qui se passe. Et ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Car l'interrogation seule ne montre pas que l'interrogateur est ignorant. Ce n'est pas parce que tu interroges sur quelque chose que ça veut dire que tu ignores la réponse. Et donc, tu ne peux pas répliquer aux chrétiens en utilisant cette argumentation. Il faut faire attention aux arguments qu'on utilise et ne pas dire n'importe quoi sous prétexte qu'on veut défendre la religion musulmane. Et nous avons beaucoup d'exemples dans les textes de la législation. Comme ce verset que nous voyons aujourd'hui. Hal ataka hadithul rashiya. T'est-il parvenu le récit de El Rashiya? Est-il parvenu le récit de El Rashiya? Wa aidan fi hadith Jibril. Hinama sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an al-islam wal-iman wal-ihsan. Et aussi dans le hadith de Jibril. Lorsque Jibril a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'islam, la foi, l'ihsan, la bienfaisance ou l'excellence. Et après cela, قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. Après cela, le prophète qui nous dit ceci est Jibril, qui est venu vous enseigner votre religion. Et donc Jibril a posé des questions. Pourquoi ? Pour nous enseigner notre religion. Et donc ce n'est pas toute question qui est posée qui signifie que l'interrogateur ne connaît pas la réponse. وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى. Aussi on a dans la parole d'Allah, تَبَارَكَ وَتَعَالَى, concernant le récit de Moussa. Allah Ta'ala qui dit à Moussa, « وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ?» Et qu'est-ce que c'est dans ta main droite, ô Moussa ? Qu'est-ce que c'est dans ta main droite, ô Moussa ? Al-Alim At-Tusadi, il nous dit ici dans son tafsir, il nous dit, « هَذَا مَعَ عِلْمِهِ تَعَالَى وَلَكِنْ لِزِيَادَةِ الْإِهْتِمَامِ فِي هَذَا الْمَوْضِعَ أَخْرَجَ الْكَلَامَ بِطَرِيقَةِ الْإِسْتِفْهَامِ انْتَهَى. Le Cheikh Al-Sa'di ici, il nous dit, rahimahullah, il nous dit cette question-là. Donc, elle est posée alors qu'il connaît avec sa science ta'ala. Cependant, c'est pour augmenter l'intérêt. C'est pour augmenter l'intérêt, pour que l'interlocuteur, il fasse plus attention à ce qui suit. Pour cela, Allah Ta'ala a cité cette parole de façon interrogative. De façon interrogative. Fin de citation. إذن ليس كل سؤال يدل على جهل السائل فلا ينبغي لنا أن نرمي خصومنا بما ليس بصحيح. Et donc, ce ne sont pas toutes les interrogations qui signifient une ignorance de l'interrogateur. Voilà pourquoi il n'est pas correct que on taxe nos opposants lors d'un débat. Il n'est pas correct de taxer nos opposants de ce qui n'est pas vrai. Le musulman, lorsqu'il va répliquer aux autres religions, il va répliquer avec véracité. Nous n'avons pas besoin de mentir. Nous n'avons pas besoin de rajouter de faux arguments. Tout est clair. Utilise les arguments qui sont forts, qui sont vrais, pour montrer que ta religion est la religion de vérité. Tu n'as pas besoin de rajouter ce genre de choses. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on continue donc l'exégèse de cette sourate la semaine prochaine. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khayra.